بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله أيها الإخوة. Donc on se réunit à nouveau بحول الله عز وجل pour étudier le dîn d'Allah سبحانه وتعالى, ce qu'on appelle طلب العلم, et qui est sans doute l'une des meilleures actions qu'Allah سبحانه وتعالى a légiféré. Allah سبحانه وتعالى exhorte dans de nombreux endroits du Coran et de la Sunna à apprendre la religion. Les versets sont nombreux, on les répète souvent au début de dars ainsi que les hadiths, afin que vienne en nous cette certitude que lorsqu'on est assis pour apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas dans une perte de temps, on n'est pas dans quelque chose de futile, mais bien au contraire, on est sans doute dans l'une des meilleures œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait légiféré. Parmi ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, dit, est-ce que sont du même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et on retient ça, on appelle ça en arabe un istifham, c'est une question inkari, de reproche. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala pose cette question en faisant le reproche à ceux qui penseraient que ceux qui sont les gens de science et ceux qui sont ignorants sont du même niveau. Il dit, est-ce que sont identiques, est-ce que sont semblables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Allah azza wa jalla dit aussi, Allah élève parmi vous ceux qui ont reçu la science et ceux qui ont cru, en degré au pluriel, darajat au pluriel. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le fameux hadith que rapporte Muawiyah radiallahu anhu, hadith qui est extrêmement important et qui doit nous motiver à investir notre temps dans la demande de science, qui est le suivant: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, celui à qui Allah veut du bien, il le renverse dans les sciences de la religion. Sous-entendu du hadith, celui à qui Allah ne veut pas du bien, il ne le rend pas versé dans les sciences de la religion. Et les salafs comprenaient que la personne ignorante, la personne qui ne connaît rien de sa religion, était quelqu'un à qui Allah azza wa jalla n'a pas voulu du bien. Donc ayyuha al-ikhwa, aujourd'hui on va lire une lettre. C'est une lettre de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. C'est une lettre qu'il a écrite à ses compagnons, donc à ses élèves, aux gens qui étaient autour de lui, et en réalité à toute la Ummah, à ce qu'il appelle Al-Jama'a, le groupe donc des musulmans, et dans lequel il va les conseiller. Et cette lettre-là, elle a été écrite alors qu'il était en prison, rahmatullah, à l'Iskandiriya, donc dans la ville d'Alexandrie en Égypte. Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, ses rasa'il, ses lettres, ses épîtres, ils ont une importance. Et lorsqu'on les lit, hein, ce n'est pas pour prendre à la lettre ce qui a été dit par Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Car comme on sait, ayyuhal ikhwa, les deux sources uniques desquelles on tire notre législation, que ce soit en aqidah, ou que ce soit en fiqh, ou que ce soit en tazkiya, c'est le Coran, le livre d'Allah azza wa jalla, et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a un intérêt dans le fait de lire ces lettres-là, hein, car elles sont pleines de science. Elles sont pleines de sagesse. Et notamment ce savant-là, Ibn Taymiyyah, il est connu pour dire des paroles fondées sur les délits du Coran et de la Sunna. C'est ce qu'on verra. Il s'appuie sur les versets d'Allah Azza wa Jal, ainsi que sur les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam. Et aussi ce cheikh-là, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, peu de personnes ont été aussi encyclopédiques que ne l'était cette personne-là. C'était quelqu'un qui était quasiment au top dans tous les domaines de la religion. Et il avait une qualité extrême qui était qu'il avait une mémoire extrêmement importante, une mémoire très forte qui lui permettait d'apprendre rapidement ce qu'il lisait et de retenir rapidement ce qu'il écoutait, au point où il a fait ce que n'ont pas fait beaucoup, c'est s'adonner à la ibad. C'était quelqu'un qui s'adonnait beaucoup à la ibad. Au qiyam al-layl, il avait ses awrad du matin, du soir. C'était quelqu'un qui était tout le temps dans at-tabattul, rabaissé devant Allah Azza wa Jal, humilié devant le créateur des cieux et de la terre, levant ses mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, faisant des demandes. Il était connu pour son ascétisme, chose que tu ne trouves pas beaucoup dans les gens qui se sont adonnés à la science. Rares sont les savants qui ont réussi à réunir ces deux qualités. C'était aussi quelqu'un qui a été connu pour ce qu'on appelle as-sad'u bil haqq. C'était quelqu'un qui proclamait la vérité. Wala ukariha al-mushrikun ahlul bid'ah as-salatin. C'était quelqu'un qui proclamait la vérité, n'en déplaise aux gouverneurs, n'en déplaise aux gens de l'associationnisme, n'en déplaise aux gens de l'innovation. C'est pour ça qu'il a eu beaucoup de mihen, il a eu beaucoup d'épreuves. Et d'ailleurs, la lettre que l'on va lire, c'est une lettre qu'il a écrite, donc il était emprisonné en Égypte. Et il vivra beaucoup d'années de sa vie en prison, et il mourra d'ailleurs en prison dans la Qal'a de Dimashq, suite à des épîtres tout le temps, soit de Aqidah, ou soit sur des fatawas qui ne plaisaient pas à Ahl al-Bida' et qui ensuite mentaient à son sujet et qui se rapprochaient donc des gouverneurs et mentaient afin que Cheikh Ibn Taymiyyah soit soit tué, soit mis en prison. Après avoir écrit Al-Hamawiyya, qui est un épître important de l'aqida qu'étudient aujourd'hui les étudiants, il a été emprisonné. Après aussi avoir écrit Al-Ikhna'iyya, qui était un rat, une réponse Al-Ikhna'i concernant ses paroles sur la visite de la tombe du prophète alayhi salatu wassalam, aussi il avait été emprisonné. Et les gens se concertaient sur que faire de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, mais Allah le protégeait tout le temps. Beaucoup ont espéré le tuer. Et pourtant, rahimahullah, aujourd'hui c'est son dhikr à lui, c'est son nom qui est encore évoqué sur la langue des étudiants. Il n'y a pas un livre de fiqh sans qu'on y lise le nom d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. Ses paroles ont son poids. Lorsqu'on cite les avis de Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, les poitrines sont ouvertes à ces avis-là, car on sait qu'elles sont fondées sur des preuves du Coran et de la Sunna, sans que l'on prétende bien sûr qu'il est ma'soum, protégé de l'erreur. Non, rahimahullah, il avait des erreurs comme tout être humain en dehors des prophètes alayhim as-salatu wassalam. Donc cette lettre-là, elle provient d'un savant qui est reconnu pour sa piété, qui est reconnu pour sa science, et notamment pour le fait qu'il ne prend pas en compte qu'est-ce que pensent les autres lorsqu'il va dire la vérité. Et ça, c'est une qualité que tu trouves très rarement aujourd'hui comme dans le passé. C'est pour ça qu'il a eu de nombreux détracteurs, il a eu de nombreux ennemis parmi les innovateurs de l'islam, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les tatars. Et les gens connaissaient sa valeur, rahimahullah, et voulaient qu'il soit rapproché d'eux. Même les gouverneurs de l'époque voulaient que Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi soit quelqu'un proche des palais et soit quelqu'un qu'il puisse utiliser pour faire des fatwas fabriquées et pouvoir justifier le dhulm et l'injustice que faisaient ces gens-là. Mais lui, il a refusé, c'était un savant du peuple, chose que doit être le savant. Le savant, il travaille l'intérêt du peuple avant de travailler l'intérêt du gouverneur. Et c'est ce que faisait Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi. C'était quelqu'un qui était avec le fuqara. C'était quelqu'un qui était populaire, qui vivait avec le peuple, qui était aimé par les hommes, qui était aimé par les femmes, qui était aimé par les enfants. Où qu'il allait, lorsqu'il était en Égypte, il était aimé par le peuple. Lorsqu'il était en Syrie, dans le Chem, il était aimé par le peuple. Rahmatullah alayhi. Ouais, le fait de lire donc ces épîtres-là, hein, ça nous donne aussi des usul, des fondements que lui va citer. Il va nous donner des fondements afin que le musulman comprenne son dîn et comprenne où est-ce qu'il chemine. Et cette lettre-là qu'il a écrite donc à ses compagnons, aux musulmans, hein, il va y décrire beaucoup de domaines de la religion. Il va commencer par la tazkiya, il va exprimer ce qu'il ressent en étant dans la prison. Et les paroles qu'il va dire sont extrêmement importantes pour que le musulman comprenne dans quel domaine il est entré en prononçant la shahada. Et qu'en réalité le malheur, la tristesse, le stress sont des choses qu'il ne connaît plus. Lorsqu'il connaît Allah Azza wa Jal, son cœur est plein d'amour d'Allah et plein de crainte d'Allah. Tout ce qui peut lui arriver en réalité, il l'interprète toujours comme étant un bien, car il sait que ce sont des situations qui ont été prédestinées par Allah, le sage et l'omniscient. Ensuite, il va parler aussi de beaucoup de usul de Ahl Sunnah. Il va parler aussi du fait que le bonheur se trouve dans le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il va parler aussi de l'importance d'être uni. Il va parler du jihad, de beaucoup de choses, rahmatullah alayhi, car il écrit une lettre qui est global afin de donner des fondements à ses frères et de leur montrer ce qu'il ressent à travers donc cette période qu'il passera en prison. Donc il dit rahmatullah alayhi, bismillahir rahmanir rahim. Donc nous on va pas faire un tafsir de cette lettre ou expliquer chaque terme, ce n'est pas le but, car ça ce n'est pas un wahi, ce n'est pas des paroles d'Allah ni du prophète alayhi salatu wassalam. On va lire des parties, on va pas tout lire et on va s'arrêter sur les points les plus importants, essayer de faire des modestes commentaires comme Allah nous le permettra. Donc il dit bismillahir rahmanir rahim. Les paroles sur la basmala sont connues. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc c'était sa sunna que de commencer les lettres qu'il écrivait au gouverneur par bismillahir rahmanir rahim. Et de même Allah azza wa jalla a commencé son livre par cette expression bismillahir rahmanir rahim, et toutes les sourates commencent par bismillahir rahmanir rahim sauf sourate at-tauba. Donc il dit bismillahir rahmanir rahim wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Sourate ad-duha verset 11. Et quant au bienfait de ton Seigneur, évoque-le. Il commence par ce verset rahmatullah alayh, car il va ensuite expliquer le bienfait dans lequel il se trouve en étant en prison. Et il va même avouer que ses jours, qu'il est en train de passer dans la prison sont les meilleurs jours qu'il a connus depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il n'a jamais connu de jour où il a été aussi heureux, où il a été aussi bien que ces jours-là qui va passer derrière les barreaux. Il dit « وَالَّذِي أُعَرِّفُ بِهِ الْجَمَاعَ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ فَإِنِّي وَاللَّهِ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فِي نِعَمٍ مِنَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا فِي عُمُرِي كُلِّهِ. Il dit, et ce que je dis, donc ce que j'annonce à la jama'a, au groupe des musulmans, أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ كَاللَّهِ, donc leur donne le bien dans ce bas monde et l'autre, وَأَتَمَّ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَهُ الظَّاهِرَةَ وَالْبَاطِنَةَ, et qu'Allah complète son bienfait extérieur et intérieur, donc pour ces gens-là. Il dit, فَإِنِّي وَاللَّهِ الْعَظِيمِ, il dit, je suis et je jure par Allah al-Azim, الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُ, celui en dehors de qui il n'y a pas de divinité. Il dit, je suis فِي نِعَمٍ مِنَ اللَّهِ, il dit, je suis dans des bienfaits d'Allah. Il dit, مَا رَأَيْتُ مِثْلَهَا فِي عُمُرِي كُلِّهِ, je n'ai pas vu de bienfaits comme cela durant toute ma vie. Il dit, وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ أَبْوَابِ فَضْلِهِ وَنِعْمَتِهِ وَخَزَائِنِ جُودِهِ وَرَحْمَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ بِالْبَالِ وَلَا يَدُورُ فِي الْخَيَالِ. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert donc les portes de ses bienfaits, وَنِعْمَتِهِ وَخَزَائِنِ جُودِهِ, et les trésors de sa générosité et de sa miséricorde, مَا لَمْ يَكُنْ بِالْبَالِ, il dit, c'est en quantité au point où on ne pensait pas à cela. وَلَا يَدُورُ فِي الْخَيَالِ, et c'est quelque chose qui ne tournait même pas dans nos rêves, dans nos pensées, dans notre imaginaire. وَهَذَا يُعَرَفُ بَعْضُهَا بِالذُّوقِ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَحَقَائِقِ الْإِيمَانِ. Et il dit, et cela, donc ce que je suis en train de vivre, les gens en connaissent une partie. Et quels sont ces gens qui en connaissent une partie? Ce sont ceux qui ont une part de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et de son tawhid, et de son unicité, wa haqa'iqil iman, et de la réalité et des réalités de la foi. Wa ma huwa matlubul awwalin wal akhirin min al ilm wal iman. Et il dit, et c'est ce qui est demandé, et c'est ce qui est demandé donc par les premiers, les prophètes alayhi salatu wa salam, et tous les pieux qui les ont suivis, c'est ce qu'ils demandaient, hein, les premiers, comme science et comme foi. On s'arrête donc à ce premier paragraphe de Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, dans lequel il dit, le point qui est important ici, que ce bienfait qu'il vit, et ce bonheur qu'il est en train de vivre derrière les barreaux, et qu'il n'a jamais vu durant sa vie, chose à laquelle même pas il ne pensait, chose qui n'existait même pas dans son imaginaire, et il explique pourquoi est-ce qu'il le vit. Il le vit parce que il a un certain niveau de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, et de son tawhid, et des réalités du iman. Donc là, on arrive à un point que l'on cite souvent, ayyuhal ikhwa, c'est qu'il n'y a pas d'étanchéité entre les domaines qui sont la aqidah et la tazkiyah. La aqidah, lorsqu'on l'étudie, elle est en lien direct avec la purification de l'âme. La aqidah, ce n'est pas un ensemble de formules, de compréhension du tawhid, hein, les trois parties du tawhid, ar-rububiyya, al-uluhiyya, asma wa sifat, les qawa'id, asma wa sifat, puis ensuite je ne vis pas tawhid al-asma wa sifat, puis je ne vis pas ensuite l'implication de tawhid al-uluhiyya. Toujours on dit que tawhid al-uluhiyya, c'est une implication de tawhid al-rububiyya. Connaître la règle, c'est quelque chose, mais le vivre, c'est autre chose. Le vivre réellement, quand tu vois des signes d'Allah azawajal, que ceci fasse vivre dans ton cœur ce qu'on appelle a'mal al-qulub, les actes des cœurs, de khawf, de peur d'Allah, de raja, d'espérance, de tawakkul, de placer sa confiance à Allah. Et ça aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Les œuvres du cœur font naître quoi? Les œuvres du corps. Ensuite, tu vas agir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas agir pour l'au-delà. Et tu vas vivre ta vie selon le bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à toute personne qui est croyante. Il dit dans surat An-Nahl, subhanahu wa ta'ala, « Man amila salihan min dhakarin aw untha » Celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit homme ou femme, « wa huwa mu'min » tout en étant croyant. « Hada qaydun muhim » Ça, c'est une condition indispensable. Car quelqu'un peut faire des actions, mais sans être croyant. C'est l'hypocrite, celui qui prie, celui qui jeûne, pas pour Allah Azza wa Jal, pas en étant croyant. Cette personne, il n'aura pas la promesse qui arrive ensuite dans le même verset. Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? Alaykum salam. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتٍ طَيِّبَةٍ. Nous lui donnerons une bonne vie. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجَرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Et nous les récompenserons parce qu'ils faisaient de mieux. Donc cette chose-là qui est un adab en extérieur, c'est un châtiment d'être en prison. Tu es privé de ta liberté, tu es privé de beaucoup de choses. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayh, il vit les plus beaux jours de sa vie car il sait que cette situation vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il le sait de par le tawhid qu'il vit et de par le iman qu'il a compris et de par la science qu'il a acquise, rahmatullah alayh. Et il dit que cette connaissance-là, ce tawhid et ces réalités du iman, c'est ce qui était demandé par les premiers et les derniers. Tous les gens recherchant Allah azza wa jalla recherchent ceci. Ils recherchent ceci. Et c'est cette science-là, cette foi-là, que ces gens cherchent. Il dit ensuite, rahmatullah alayh, il dit, فَإِنَّ اللَّذَّةَ وَالْفَرْحَةَ وَالسُّرُورَ وَالطَّيْبِ الْوَقْتِ وَالنَّعِيمِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَتَوْحِيدِهِ وَالْإِيمَانِ بِهِ وَانْفِتَاحِ الْحَقَائِقِ الْإِيمَانِيَّةِ وَالْمَعَارِفِ الْقُرْآنِيَّةِ Il dit que فَإِنَّ اللَّذَّةَ وَالْفَرْحَةَ Il dit le plaisir, والفرحة et la joie, والسرور le bonheur. Il dit وطيب الوقت et les bons moments. Les gens ils veulent du bon temps aujourd'hui. Il dit que le plaisir et la gaieté et le bonheur et le bon temps, والنعيم le bonheur aussi, le plaisir. Il dit الذي لا يمكن التعبير عنه. Il dit qu'on ne peut pas exprimer. Ça c'est important aussi. Ce qu'il vit, lui, là, en ce moment, il ne peut pas par sa langue en réalité l'exprimer. Et ce que vivent les gens de la foi, les gens du tawhid, les vrais monothéistes, ils ne peuvent pas expliquer aux gens avec un stylo, un papier, ce qu'ils vivent. Ces gens-là ne le comprendront que lorsqu'ils vivront à leur tour ce qu'ont vécu les gens du tawhid. Il dit « Innama huwa fi ma'rifatillah ». Il dit toutes ces choses-là, le plaisir, le bonheur, le bon temps, la gaieté, la joie. Il dit c'est dans la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawhidihi et dans son unicité. Wa al-imani bihi et dans la foi en lui. Wa infitah al-haqa'iq al-imaniyah. Et il dit et dans le fait qu'Allah te fasse découvrir les réalités de la foi. Les réalités de la foi. Pas en connaissance sur papier. Tu as lu l'usul thalatha de Cheikh Mohamed Abdel Wahhab et tu l'as compris. Lorsqu'on te pose des questions, tu es capable de répondre. Non, ça c'est une bonne étape aussi, qui te permettra d'arriver à cela. Mais lui là, il parle de réellement comprendre ça par le cœur. Qu'Allah, lui, te donne une compréhension du tawhid. Et cette compréhension-là, elle viendra après avoir fourni des efforts, après avoir dépensé son temps, son argent. Fi sabilillahi azza wa jalla. Il dit innama huwa, donc toutes ces choses-là, c'est par la connaissance d'Allah, son tawhid et la foi en Allah. Et lorsque Allah t'ouvre, donc les réalités de la foi, wal ma'arif al quraniya, et aussi les sciences, les connaissances coraniques. Il dit comme قال بعض الشيوخ, il dit tout comme on dit certains shuyukh, laqad kuntu fi hali aqulu fiha in kana ahlu al jannati fi hadhihi al hal innahum la fi 'aysin tayyib. Il dit que certains shuyukh disaient lorsqu'ils étaient dans certains états de foi et de tawhid, ils disaient si jamais les gens du paradis, ils étaient dans un état comme le mien maintenant, ils seraient dans une bonne vie. Il dit وقال آخر et d'autres disaient لا تمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان والمعرفة. Il dit que certains disaient que le cœur passe par des moments où il danse au rythme de, là c'est une parabole qui veut dire, mais que ce cœur là tellement il est dans le bonheur du tawhid, de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de ce qu'on appelle al-unsu billah, d'être en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant négation de ce qui nous entoure et en ne cherchant qu'à être proche de lui subhanahu wa ta'ala, il dit que le cœur passe par des moments où il danse tellement il est dans le bonheur et la joie. Il dit وَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا نَعِيمٌ يُشْبِهُ نَعِيمَ الْآخِرَةِ إِلَّا نَعِيمُ الْإِيمَانِ وَالْمَعْرِفَةِ. Et il dit il n'y a pas dans ce bas monde donc un bonheur d'un tel qui ressemble au bonheur de l'au-delà si ce n'est le bonheur de la foi et de al-ma'rifa, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, ce qu'il dit, wallahi ayyuha al-ikhwa, c'est extrêmement important. Car on voit aujourd'hui que ne vivent bien leur islam que les gens qui sont réellement impliqués dedans. Aujourd'hui, des gens prient. Aujourd'hui, des gens vont au hajj. Aujourd'hui, des gens donnent la zakat. Des sœurs mettent le hijab. On voit les gens, il a le shashia sur la tête, il est au premier rang, il se bah, il fait son tesbih. Mais il n'est pas heureux dans son dîn d'Allah Azza wa Jal. Il a des actes extérieurs comme ça, Mais intérieurement, il est capitaliste. Intérieurement, il cherche l'argent. Intérieurement, son hum, c'est juste construire une maison, son souci. Intérieurement, sa pensée, hein, elle est plus sur ce bas monde-là que sur l'autre monde. Et ses plaisirs, hein, ils découlent plus de son augmentation de choses mondaines, d'argent, de beaux vêtements, belles voitures, bon travail, etc., que le fait de vivre ces moments qu'a vécu Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, bien avant lui le prophète Mohammed alayhi sallam et les sahaba, qui sont des moments où tu te sens proche d'Allah. Un soujoud parfois la nuit où tu poses ton front, tu n'as plus envie de le relever. À ce moment, tes yeux coulent de larmes et tu sens que tu es proche d'Allah. Tu sens que tu vis quelque chose, subhanallah, tu ne voudrais pas que ça s'arrête. Ça peut être le jour par une évocation d'Allah, par une observation parfois. Parfois tu vas observer un oiseau sur une branche, subhanallah, tu vas méditer et tu vas ressentir quelque chose. Tu as envie de réunir toutes les nationalités, toute la planète et d'exprimer ce que tu es en train de vivre, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas exprimer, car c'est quelque chose qui est en lien avec le qalb. Et à ce moment-là, le vocabulaire, il est trop pauvre. Tu ne peux pas, tu t'aimerais, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas leur expliquer. Et le cheikh ici, il nous dit que tout ça, donc ça prend son fondement sur le tawhid, sur le iman, sur la connaissance d'Allah, Jalla fi'ula. Il dit, وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ. Il dit, c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wa salam, disait, أَرِحْنَا بِالصَّلَاتِ يَا بِلَلْ. Repose-nous par la prière, ô Bilal. Ce hadith-là est rapporté par Abu Daoud, Ahmed. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il ordonna à Bilal de faire l'appel pour que le prophète, alayhi salatu wa salam, et les compagnons se reposent à travers la prière, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il dit, wa la yaqulu arihna minha. Cheikh Ibn Taymiyyah a dit que le prophète, alayhi salatu wa salam, ne disait pas arihna minha. Repose-nous de la prière. Non, c'était repose-nous par la prière. Il ne disait pas « repose-nous de la prière » comme c'est le cas aujourd'hui de beaucoup de musulmans. Lorsque l'imam est en retard de 2-3 minutes, qui commence à regarder l'horloge, ces gens sont des malades. Ces gens, Wallah khater jidden, s'ils meurent dans cet état-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que l'un d'entre vous, lorsqu'il attend la prière, il est en prière. Mais le muhdith, tant qu'il ne perd pas ses ablutions. Et les anges, qu'est-ce qu'il dit ? Allahumma ghfir lahu. Allahumma arhamhu. Oh Allah, pardonne-lui. Oh Allah, fais miséricorde. Le sahaba radiallahu anhum, une fois après salat al-isha, le prophète alayhi salatu wa salam a tardé. Il disait, hatta tahtafiqa ru'usuna, jusqu'à ce que nos têtes tombaient comme ça. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il est arrivé aux environs de la moitié de la nuit. Il a dit, innaha la waqtuha lawla an ashuqa ala ummati. Il a dit, wallah, que c'est son temps, c'est le moment du isha, si je ne voulais pas trop surcharger ma communauté. Les sahaba radiallahu anhum, du fait de leur cœur plein d'amour d'Allah, ils savent qu'ils sont à ibadah. Ils ne sont pas là pour les gens. Ils ne sont pas là parce que comme ils traînent un boulet, ils viennent au jamaa. Non, ils sont heureux d'être au jamaa. Walillah alhamd. L'imam a tardé de 2-3 minutes. Je suis à ibadah. Je suis en train d'évoquer Allah. Je suis dans la maison d'Allah. Azza wa jalla. Mais les gens qui ont le cœur malade veulent se débarrasser de la prière. Ça, c'est avant la prière. Mais si l'imam commence la prière et qu'il est un peu long dans la récitation, un peu long relativement à notre époque, par rapport au temps du prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons disaient que nous étions en qiyam. Un compagnon dit, j'étais en qiyam avec le prophète, alayhi salatu wassalam, je perdais mes ablutions, j'allais à Al-Baqi' faire mes besoins. Je faisais mes ablutions et je rejoignais le prophète, alayhi salatu wassalam, toujours en qiyam. Alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a lu fi salat al-Maghrib, surat Alif Lam Mim Sad, Al-A'raf. Il l'a coupé en deux. Deux hizb et demi dans ce Salat al-Maghrib. Alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, allongeait bien plus la prière qu'aujourd'hui elle n'est allongée par beaucoup d'imams. Mais aujourd'hui, les gens qui sont dans les rangs, beaucoup sont malades. Qu'Allah les guérisse et nous guérisse, nous les premiers. Il disait donc, Arihna bis salat ya Bilal, repose-nous par la prière au Bilal. Et il ne disait pas, donc Cheikh Ibn Taymiyyah dit, qu'il ne disait pas, repose-nous de la prière. Kama yaquluhu man tathqulu alayhi salat. Comme le dit celui pour qui la prière est trop lourde. Celui pour qui la prière est trop lourde. Kama qala ta'ala, tout comme Allah a dit, wa innaha la kabiratun illa ala al-khashi'in. Et elle est grande, la prière. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui est une contrainte, si ce n'est pour al-khashi'in, les gens qui sont dans la dévotion. Il dit ensuite, Cheikh Ibn Taymiyyah, wal-khushu'u, il dit al-khushu' al-khudu'u lillah. Qu'est-ce que al-khushu'? Al-khushu' dans la langue arabe, c'est le fait d'être aplani, d'être de bas niveau. Ardun khashi'a, une terre qui est khashi'a, c'est une terre qui n'a pas de végétation. C'est une terre qui n'a pas de relief, qui n'a pas de végétation. Et al-khushu' s'est tiré de cela. C'est quelqu'un qui est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est dans la tranquillité lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wal khudu'u lillah, et le fait d'être dans le khudu', la soumission à Allah, c'est as-sukun, l'immobilisation, l'immobilité, at-tuma'nina, la tranquillité envers Allah subhanahu wa ta'ala, bil qalbi wa bil jawarih, avec le cœur et avec les membres. Et il disait le prophète alayhi salatu wa salam, je continue le parole d'Ibn Taymiyyah, wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa at-tib » On m'a fait aimer de votre bas monde. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam dit « On m'a fait aimer de votre bas monde les femmes et le parfum. » Là, Ibn Taymiyyah rapporte des paroles pour justifier ce qu'il a dit avant. Que le bonheur réel du musulman, il se trouve où? Dans les bonnes actions, dans la ibad. Dans la ibad. Et la ibad, c'est « Ghayatu dhul » c'est ces deux piliers. Il n'y a pas ces deux piliers, on n'est pas dans l'ibada. La soumission totale, mais avec l'amour total. Ce sont les deux pôles donc de l'adoration. L'esclave, il peut être en soumission totale à son propriétaire humain parce qu'il le fouette et parce qu'il va le punir si jamais il ne lui obéit pas. Mais si ce propriétaire meurt, cet esclave est heureux. Cet esclave s'est débarrassé. Car il était dans une soumission corporelle, mais pas du cœur. Et de même, l'amour prétendu intérieur, si jamais il ne donne pas naissance à la soumission extérieure, ce n'est qu'une prétention, elle n'est pas prise en considération. Donc il y a deux piliers dans Al-Ibada. Rayatul Zul, la soumission totale, wa Rayatul Mahabba, et l'amour total. Cheikh Ibn Taymiyyah ici veut nous montrer que le véritable bonheur que connaît le musulman, le véritable bonheur, c'est dans les bonnes actions. Quand on lit ces paroles, on médite sur notre vie. Méditez sur notre vie, sur la Ummah, dans quel état elle est, et surtout, avant tout, sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Nos sources de bonheur, elles sont où? Il dit donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, on m'a fait aimer de votre bas monde les femmes et le parfum. Puis il disait, wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salat. Et le bonheur de mes yeux a été mis dans la prière. Donc on m'a fait aimer, j'apprécie les femmes, j'apprécie le parfum. Mais le bonheur de ses yeux, il est où? Il est dans la prière, alayhi salatu wa salam. Wa lam yaqul hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Et il n'a pas dit on m'a fait aimer de votre bas monde trois choses, car ça c'est une riwaya qui est mawdu'a, qui est batila, qui est fausse. Certains disent que le prophète alayhi salatu wa salam a dit on m'a fait aimer de votre bas monde trois choses. Non, ça c'est faux, car ça vient donc pervertir le sens du hadith. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit qu'il aimait d'abord deux choses, et ensuite il a cité la troisième comme étant son bonheur le plus grand, et c'est une action qui renvoie à l'au-delà, et ce n'est pas quelque chose de mondain comme les femmes et comme le parfum. Donc il a dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'il n'a pas dit on m'a fait aimer de votre bas monde trois choses, comme disent certaines personnes. Il dit Ibn Taymiyyah, et ils disent que le prophète a dit ça. Bel hakadha rawahu l'imam Ahmed wal-Nasa'i, mais l'imam Ahmed et l'imam Nasa'i l'ont rapporté comme ça. On m'a fait aimer de votre bas monde les femmes et le parfum, et le bonheur de mes yeux est dans la prière. Donc l'imam Ahmed al-Nasa'i ont dit que ce qui a été rendu aimé au prophète alayhi salatu wasallam de ce bas monde, ce sont les femmes et le parfum. Wa amma qurratul 'ayn tahsul bi husul al-matlub wa dhalika fi as-salat. Mais il dit le bonheur des yeux, c'est quelque chose. Allah Akbar, ce sont belles les paroles d'Ibn Taymiyyah. Wallahi, nous on passe, si tu fais pas le charh, on va pas comprendre. Si tu lis juste comme ça, tu auras du mal à comprendre. Observez ce qu'il a dit. Il a dit, l'imam Ahmed et l'imam Nasa, ils ont dit que ce qui a été fait aimer au prophète, c'est pas lui qui l'a aimé. On a fait aimer au prophète, alayhi salatu wassalam, donc le parfum et les femmes. Et il dit, donc l'imam Ahmed et l'imam Nasa, ils ont rapporté donc le hadith comme ça, ces deux choses ont été dites dans la première partie du hadith, et ensuite le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, et le bonheur de mes yeux. Et le bonheur des yeux, c'est quoi? Le bonheur des yeux. Pourquoi c'est le bonheur des yeux? Il dit, parce que c'est quelque chose que tu cherches. Tu cherches. Et dès que tu as trouvé, tu es heureux d'avoir trouvé. Mais le parfum et les femmes, il n'a pas cherché le prophète alayhi salatu wassalam. Hubbiba, ça c'est un participe passé. Hubbiba, il est, on m'a fait aimer. C'est pas uhibbu, il n'a pas dit ça. Ou bien abhathu an, je cherche. Non, hubbiba. Allah, il lui a fait apprécier les femmes et le parfum. Il dit wa amma qurratul ayn. Wa amma qurratul ayn, le bonheur des yeux, tahsulu bihusulil matloub. Le bonheur des yeux, quand est-ce qu'il apparaît? C'est quand on a trouvé ce que l'on cherchait. Il dit wa dhalika fi salat. Et ça, concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans salat. C'était dans salat. Comme la femme de Pharaon. Il n'avait pas d'enfant, le couple n'avait pas d'enfant. Lorsque Moussa est arrivé, qu'est-ce qu'il a dit? Qurratun ayni li wa lak. C'est le bonheur de mes yeux pour moi et pour toi. Elle, elle avait cette envie. Pharaon, elle n'avait pas l'envie, lui. Il a dit pour toi, mais pas pour moi. Mais elle, elle recherchait un enfant. Lorsqu'elle l'a obtenu, elle a trouvé Moussa. Elle a dit Qurratun ayni li. Elle a dit c'est le bonheur de mes yeux. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, le bonheur de ses yeux était où? Pas dans les femmes, pas dans le parfum, mais dans les ibadah. Car il recherche Allah subhanahu jalla fi'ula. Là, il y a des qawaïdes importantes. Le cœur du musulman, il recherche quoi? Il recherche mardat Allah, l'agrément d'Allah azawajal. Et celui qui est vraiment sincère là-dedans, il va trouver du bonheur là-dedans. Alhamdulillah, beaucoup de nous, on vit ça. Quand tu arrives à apprendre une surah, quand tu arrives à apprendre, alhamdulillah, un hadith, quand tu vois que tu progresses parfois dans ta religion, tu vois que tu t'améliores dans ton comportement avec ta femme, avec tes enfants, avec tes parents, Allah, il t'ouvre des portes en sadaqa, mathalan, tu arrives à dépenser ton argent. Tu es heureux, walillahi alhamd. Ce bonheur, même s'il n'est peut-être pas au niveau qu'ont atteint ces chouyoukhs-là, mais alhamdulillah, c'est quand même une preuve que tu vis pour l'au-delà, bihaulillahi azza wa jal. Donc ça, c'était un premier fondement qu'il ramenait Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, dans lequel il montre le bonheur des cœurs, et le bonheur du musulman véritable, c'est dans le fait donc de adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est dans les bonnes actions. Après, ici, il va nous parler de ce qui vient interférer et qui vient faire barrière à tout ça. Rahmatullah alayh, il dit wal qulubu fiha waswasu an-nafsi wash-shaytan. Il dit et les cœurs, donc il y a en eux les insufflations de an-nafs, l'âme bestiale, et ash-shaytan. Ces deux ennemis-là, donc un nefs qui ne te quitte jamais, qui est donc en toi-même, et ash-shaytan, Satan, ils sont toujours là à t'insuffler des choses, à perturber ce cœur pour qu'il ne trouve pas son bonheur dans les bonnes actions, pour qu'il ne perde le chemin menant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَالْقُلُوبُ فِيهَا وِسْوَاسُ النَّفْسِ. Je reprends la traduction, il dit, et le cœur, il y a en lui donc les insufflations de un nefs, وَالشَّيْطَانُ يَأْمُرُ بِالشَّهَوَاتِ وَالشُّبُهَاتِ. Il dit, et Satan, il ordonne al-shahawat, donc les passions, et al-shubuhat, les ambiguïtés, les choses équivoques. Il dit, ma yufsidu alayhi tiba aishiha. Il dit, et les cœurs, donc il y a en eux les insufflations de nefs, donc de l'âme bestiale, et al-shaytan, il ordonne, donc al-shahawat, les passions, et al-shubuhat, les choses équivoques. Il dit, ce qui va venir pervertir la belle vie des cœurs. La belle vie des cœurs, elle est perturbée par ça. Par al-shahawat, le fait de rechercher à assouvir ses plaisirs, à assouvir ses passions, et aussi ash-shubuhat, les choses équivoques. Les choses qui sont équivoques, qui sont ambiguës, tu ne vois pas si c'est vraiment halal, si c'est vraiment haram, si c'est vraiment la aqidah des salaf, si c'est pas aqidah des salaf, est-ce que c'est aqidah d'ahl bid'ah, tu es perdu là, à ce moment-là. À ce moment-là, si tu n'as pas des muhkamet, des osoul vers lesquels revenir, tu es en danger. Tu risques de partir dans ces shubuhat là. Donc il dit Ibn Taymiyyah, il dit فَمَنْ كَانَ مُحِبًّا لِغَيْرِ اللَّهِ. Celui qui aime autre qu'Allah, فَهُوَ مُعَذَّبٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il sera châtié dans ce bas monde et l'autre. إِنَّا لَمُرَادَهُ عُذِّبَ بِهِ. Si jamais il obtient ce qu'il recherche, lui il recherche autre qu'Allah. Il aime autre qu'Allah. Il aime les femmes. Il recherche les femmes et il va trouver les femmes. Il recherche les hauts postes dans la société et il va les trouver. Là, il parle d'une première catégorie. Celui qui cherche et qui trouve. Après, il va parler de la catégorie, ceux qui cherchent mais qui ne trouvent pas. Il dit, toute personne qui aime autre qu'Allah azawajal, il veut dire un amour supérieur à Allah subhanahu wa ta'ala et un amour qui t'empêche de réellement cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne parle pas d'un amour qui est légiféré. Le prophète alayhi salatu wa sallam aimait ses femmes, aimait les musulmans, etc. Il parle d'un amour supérieur à celui d'Allah Azzajal ou un amour qui t'empêche de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit cette personne, فَهُوَ مُعَذَّبٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Il sera châtié dans ce bas monde et l'autre. Il dit, إِنَّا لَمُرَادَهُ. Si jamais il obtient ce qu'il recherche, ce qu'il convoite, il sera châtié par celui-là. Il sera châtié par celui-là. Celui qui cherche les femmes et qu'il les trouve, il sera châtié par les femmes. Les femmes vont lui donner une mauvaise vie. Les femmes vont le blesser dans sa personne. Les femmes vont peut-être le rendre fou. Combien de gens ont fini en hôpital psychiatrique à cause des femmes? La femme va lui prendre son argent. La femme va le blesser dans son amour propre. La femme va l'humilier. La femme va le fatiguer. La femme va le détruire. Pourquoi? Parce qu'il a recherché autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. De même pour l'argent. Celui qui recherche l'argent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui l'obtient, عُذِّبَ بِهِ بِهِ هَدِي الْبَى سَبَبِيًا بِسَبَبِهِ, il sera châtié à cause de cet argent et par cet argent aussi. Et par cet argent-là, il sera châtié. Il trouvera son châtiment dans l'argent. Celui qui cherche des hauts postes dans la société, en dehors bien sûr d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas il recherche Allah et en plus peut-être un poste pour aider les musulmans, etc. Ce n'est pas dans ce sens-là. Mais l'objectif pour lequel il dépense son argent nuit et jour, sa personne, sa pensée, il vit pour cela, c'est obtenir un haut poste dans la société ou bien des femmes ou de l'argent ou autre. Lorsqu'il l'obtiendra, ça c'est le premier cas, il sera châtié par celui-là. Deuxième cas, il dit, rahmatullah alayh, wa illam yanalhu, si jamais il ne l'obtient pas, fahuwa fil adhab, il est aussi dans le châtiment. Il dit, wal hasarati wal huzn, et il est dans la tristesse, la mélancolie, toujours pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à obtenir cette chose-là. La première catégorie, c'est celui qui a atteint. Il a atteint, et lui, il est châtié. Parce qu'une fois qu'il a atteint, pourquoi il cherche ça? L'être humain jubila ala talab al-sa'ada. L'être humain de nature, il recherche le bonheur. De nature, l'être humain, il est comme ça. Il recherche le bonheur. Toutes les sociétés aujourd'hui, elles recherchent le bonheur. Après, les chemins menant au bonheur, il n'y en a qu'un, c'est celui du prophète alayhi salam. Mais tous recherchent le bonheur. Ils pensent que leur système est le meilleur, hein, que leur manière d'aborder l'économie, c'est ce qu'il y a de mieux, leur manière d'aborder la politique, c'est ce qu'il y a de mieux, leur manière d'éduquer les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux. Toutes les sociétés pensent que ce qu'ils ont, c'est ce qu'il y a de mieux, sinon ils changeraient pour autre chose. Sinon ils changeraient pour autre chose. Il dit, donc la première catégorie, c'est celui qui a atteint et il est châtié par cette chose-là. Et la deuxième, c'est celui qui n'obtient pas et il est dans le châtiment, la tristesse. Pourquoi? Parce qu'il est toujours à rechercher quelque chose par laquelle il veut combler son bonheur, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il cherche, il court, il court, il court, et il ne trouve pas l'argent. Il cherche les femmes, il court derrière les femmes pour assouvir un bonheur qu'il pense donc pouvoir obtenir par les femmes, et il ne les trouve pas, il est toujours dans la tristesse. Il est toujours dans al-huzn, dans la tristesse, et ne trouve pas ce bonheur. Il dit ensuite, rahmatullah alayh, وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ إِلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ إِلَّا بِالْإِعْرَادِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَاهُ وَهَذَا حَقِيقَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. Il dit, et il n'y a pas pour les cœurs donc de gaieté, de plaisir, tamma, complète. Observez bien, il apporte des adjectifs après certains mots qu'il n'apporte pas après d'autres. Il a dit, il n'y a pas de bonheur, et il n'a pas dit complet ici. Il dit, il n'y a pas de bonheur, et ni de plaisir, et là il a dit complet. Il n'y a pas de plaisir complet, si ce n'est dans l'amour d'Allah, wa taqarrubi ilayh, et dans le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il n'y a pas pour les cœurs de bonheur. Et il n'a pas mis d'adjectif. Car il ne peut pas y avoir de bonheur en dehors de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas y avoir d'amour en dehors de l'islam. Il ne peut pas y avoir, pardon, de bonheur en dehors de l'islam. Pour ça qu'on sait que toutes les religions, tous les humains qui ne sont pas musulmans, ils ne sont pas heureux. Ils ne portent pas dans leur cœur un sourour. Le bonheur d'exister, le bonheur d'être. Être heureux, subhanallah, comme l'est le musulman qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens qui sont dans la tristesse. Ce sont des gens qui sont détruits intérieurement. Il a dit ensuite, وَلَا لَدَّتِنْ تَامَ. Et il n'y a pas de plaisir complet. Il n'y a pas de plaisir complet. C'est-à-dire, même dans le kufr, il y a certains plaisirs. Il y a certains plaisirs. Hein, les mécréants, quand ils forniquent, ils boivent, ils ont des divertissements, etc. Ils disent, nous, on est dans le plaisir. On s'éclate, on s'amuse, hein, plein d'argent, les belles voitures, les belles femmes, les hôtels, les villas, la piscine, les résidences. Ça, c'est du plaisir. Ils éprouvent du plaisir, hein, mais ce n'est pas un plaisir complet. Ce n'est pas le plaisir que va éprouver le musulman dans sa ibadah. Le musulman dans sa ibadah, il va éprouver un véritable plaisir. C'est pour ça qu'ici, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, complet. Il dit donc que le bonheur des cœurs et le plaisir complet ne peut être que dans l'amour d'Allah Azzawajal. Pour ça, ils ne peuvent pas le comprendre, ça. Les koufars, ils ne peuvent pas comprendre ça. Pour eux, ce n'est pas possible que lorsque ces plaisirs corporels disparaissent de ta vie, les éloges des gens, avant tu faisais la fête, etc. Comme les stars qui se sont convertis. Ils étaient adulés, ils buvaient, ils étaient en soirée, c'était des jolies femmes. Et d'un coup, ils arrêtent tout. Mais le jilbab, le hijab, ils disent c'est pas normal, c'est pas possible. Pour eux, c'est obligatoirement qu'il y a eu, il y a eu quelque chose qui relève de la folie ou de la crise psychologique, ou c'est quelque chose qui a émergé. C'était une femme qui a mal vécu son enfance ou autre. Ils disent, ils cherchent à justifier cela, car pour eux, ce n'est pas compréhensible. Effectivement, ils ne pourront le comprendre que lorsqu'ils goûteront à ça. Lorsqu'ils goûteront à la ibadah, ils verront, subhanallah, que c'est un plaisir bien plus supérieur à leur plaisir mondain. Qui soit en plus des plaisirs qui laissent place ensuite à la déception, à ce qu'on appelle al-hasra. Al-huzn, c'est cette tristesse qui fait que lorsque tu n'es pas heureux, elle est dans ton cœur. Dans ton cœur, il te manque quelque chose. Tu vois que ta vie, ce n'est pas ça. Et là, c'est même des musulmans qui n'ont pas une bonne foi qui vivent ça. On a des musulmanes, elles se suicident parce qu'elle n'a pas un beau physique. Elle n'arrive pas à se marier. À 25, 26, 28, 30, 32, 34 ans, elle se suicide. C'est une musulmane, elle faisait salat et tout. Personne n'est venu l'artob, elle se suicide. Pourquoi y a urti? Parce qu'elle n'avait pas le véritable iman billahi azza wa jal. Elle n'avait pas ce véritable iman fi asma illahi wa sifati. Que Allah alim, savant, hakim, subhanahu wa ta'ala. D'autres, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Allah yu'ti. Allah, tout comme il donne, il a la qudra aussi de priver. Il ne te donnera pas s'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a même des musulmans qui, de par leur faible foi, ne vivent pas ce que nous décrit la Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi. Donc les mécréants ont dans leur cœur ce qu'on appelle al-huzn, la tristesse. Ils ont la tristesse. Et lorsqu'ils vivent des plaisirs corporels, hein, par une semaine en voyage avec sa femme, voir des beaux paysages, hein, manger des plats que personne ne mange, aller dans des hôtels luxueux, hein, que peu de personnes arrivent à se payer, etc. Après ce plaisir momentané, puisque le cœur est vide, hein, il apparaît après ce plaisir corporel ce qu'on appelle al-hasra, le regret. Le regret. Car le plaisir, hein, le plaisir qui vient se poser sur un cœur qui n'est pas rempli de bonheur, donne ensuite place au regret. Ça donne place au regret. Tu regrettes et tu es frustré. Parce que, subhanallah, tu vois que tu vis des choses que peu de personnes vivent et pourtant tu n'es pas heureux. D'où le haut taux de suicide chez les gens riches. Le haut taux de suicide chez les gens qui ont goûté à tout. Ils n'ont plus rien à convoiter en termes de femmes. Ils n'ont plus rien à convoiter en termes de maison. Ils n'ont plus rien à convoiter en termes de véhicules. Ils sont connus par tout le monde. Tout le monde les admire. Enfin, les mécréants comme eux qui sont perdus. Et subhanallah, ils ne trouvent pas le bonheur du cœur, ce qui fait que ces gens-là souvent mettent un terme à leur vie. Donc il dit, rahmatullah alayhi, il dit, donc il n'y a pas pour les cœurs de véritable bonheur, de bonheur et ni de plaisir complet, si ce n'est dans l'amour d'Allah et dans le fait de fournir des efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, bima yuhibbuhu, donc dans le fait de rechercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ceux qu'il aime. Et il dit وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ, et il n'est pas possible donc d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِلَّا بِالْإِعْرَادِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَهُ, si ce n'est par le fait de se détourner de tout ce qui peut être aimé en dehors d'Allah azza wa jalla. Tu ne pourras obtenir le véritable amour d'Allah azza wa jalla qu'en te détournant de toutes ces choses-là qui viennent polluer cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui viennent interférer entre toi et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf quand c'est légiférer et que c'est aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque ce n'est pas aimé pour Allah, ça peut te détruire ton au-delà. Combien de personnes ont aimé leur femme pas pour Allah Azza wa Jal? Car même ton épouse, tu l'aimes fillah Azza wa Jal. Tu l'aimes fillah. Combien de personnes n'aimaient pas leur femme fillah, mais l'aimaient vraiment pour ce qu'elle est, en dehors du fait qu'elle soit musulmane. Elle a apostasié. Cet amour qu'il avait pour cette femme-là ne lui a pas permis de lâcher cette femme. Et il l'a suivi dans l'apostasie. Il est parti dans le kufr avec elle. Combien de gens restent avec une femme qui ne prie pas, maintenant? Elle ne prie pas, elle arrête de prier. Un mois, deux mois, six mois, un an. Et lui, il croit que pour lui, sa aqida, c'est que Tariq Salah, il est kafir, que celui qui ne prie pas est mécréant, il n'arrive pas à lâcher cette femme-là. Il n'arrive pas à lâcher cette femme-là. Combien de personnes pour leurs enfants, maintenant? Ils ont fait un crédit pour acheter une maison. Fait un crédit pour pouvoir acheter une maison, pour voir leurs enfants courir dans un jardin, être avec une balançoire, dans une piscine, et ne pas vivre la vie que eux-mêmes ont vécue dans les cités, dans les HLM. Et lorsque tu leur dis là, que c'est interdit, hada haram, Allah et son messager vont te faire la guerre. Ils font fi de ce que tu leur dis, car l'amour de leurs enfants est trop important. D'où la parole d'Allah, innama amwalukum wa awladukum fitna. Votre argent et vos enfants sont une fitna, une tentation. Il dit donc qu'il n'est pas possible d'obtenir l'amour d'Allah si ce n'est en se détournant de tout ce qui peut être aimé en dehors de lui. En dehors de lui, il dit « Wa hada haqiqatu la ilaha illallah ». Et il dit « Et ça, c'est la réalité de la ilaha illallah ». Combien de piliers? Toujours on répète dans la ilaha illallah? Deux. Deux. La ilaha. C'est quoi al-ilaha? Al-ilaha, c'est quoi? Al-ma'boud. Voilà, c'est al-ma'boud. Al-ma'boud. Et al-ibada, c'est quoi? Ma'boud, c'est un maf'oul de abada ya'boudu ibadatan. Al-ma'boud, c'est un participe passé, c'est l'adorer. C'est l'adorer. C'est celui qui subit l'adoration d'un autre. Oui ou non? Quelqu'un qui est adoré. C'est bien qu'il y en a un autre qui l'adore. Cet autre qui l'adore. On a dit que pour qu'on dise qu'il l'adore, il faut deux piliers. C'est quoi? Soumission complète et amour complet. Donc quand tu dis la ilaha, il n'y a personne qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Qu'est-ce que l'adoration? Il n'y a personne qui mérite la soumission complète et l'amour complet, si ce n'est Allah Azza wa Jal, si ce n'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc tu ne pourras réellement vivre et dire l'amour d'Allah Subhanahu wa Ta'ala si ce n'est en te détournant de tout autre aimé en dehors d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il dit, et ça c'est la réalité de la ilaha illallah. Mais l'amour que tu donnes à ta femme, tes enfants, aux musulmans, fillah wa lillah, pour Allah et en Allah, ce n'est pas un amour qui vient perturber la ilaha illallah. Mais lorsque tu aimes quelque chose comme tu aimes Allah Azza wa Jal, et que tu lui associes en amour, parce que ya shirkul mahabba, on va pas s'étaler là, mais il y a une forme de shirk qui s'appelle shirkul mahabba, l'associationnisme en termes d'amour. Et lorsque tu associes Allah subhanahu wa ta'ala en amour, tu annules la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal dit dans surat al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Et parmi les gens, il y en a qui prennent des équivalents qu'ils aiment comme ils aiment Allah. Ici, il y a plusieurs tafsirs. Certains disent ils aiment ces adorés, donc leur statue ou bien leur saint ou autre, tout comme eux, là, ils aiment Allah. Et d'autres disent tout comme les croyants aime Allah subhanahu wa ta'ala. Après Allah dit وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et les croyants ont un amour supérieur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَهِيَ مِلَّةُ إِبْرَاهِيمُ. On finit par cela. Et ceci est la millah d'Ibrahim. Il dit وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. Et tous les prophètes et messagers sont venus avec ce asl-là. La ilaha illallah. Ça, on avait dit c'est quoi? C'est asluddin, c'est la base de la religion. C'est annan fiya istihqaq al-ibadati li ghayrillahi azza wa jal wa nuthbita lillahi wahdahu la sharika lahu. C'est rejeter le fait que quelqu'un mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et la confirmer uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle al-iman billah wal kufr bit-taghut. Allah dit dans sourate An-Nahl wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nous avons certes envoyé dans toute communauté un messager. Avec quel message? U'budullah, adorer Allah, wajtanibu at-taghut, et délaisser le taghut. Il dit wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu li ashabi. Et le prophète alayhi salatu wa salam disait à ses compagnons qulu, dites, Dites, ça c'est une dua qu'on dit le matin. C'est une dua qu'on dit le matin. Qulu asbahna ala fitrati l'islam. On s'est levé ce matin en étant sur la fitra de l'islam, la saine nature de l'islam. Wa kalimati l'ikhlas, et la parole de l'ikhlas, qui est la ilaha illallah. وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et la religion de notre prophète Mohammed صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. Et la religion de notre père Ibrahim Hanif, il va expliquer Hanif, on l'avait expliqué dans l'Usul al-Thalatha, musulman en étant musulman. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et ne faisait pas partie des mushrikines عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Ensuite, il expliquait le hanif, on avait expliqué ça dans l'Usul al-Thalatha, ça vient de la déviation, et c'est le fait donc de dévier du shirk en étant droit sur le tawhid et constant sur ce dernier. Donc ça, c'est la religion d'Ibrahim, et c'est celle du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est la milla de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, et ici, il a appuyé sur l'amour. Il a appuyé sur l'amour, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, car l'amour sans lien direct avec le tawhid. Voyez comment est-ce qu'il a fait le lien avec la ilaha illallah. Comment est-ce qu'il a fait le lien entre la aqida et la parole du tawhid et la milla d'Ibrahim. La lettre continue, on n'en a fait qu'une petite partie. On n'en lira pas tout, inshallah, on s'arrête là. Si Allah nous permet, on continuera une prochaine fois. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum.